Le purgatoire selon Maria Sima. 13. Les églises. Lorsque les âmes vous ont prévenu concernant la condition actuelle de l'Église, ont-elles également parlé des bâtiments des églises d'aujourd'hui? Bien des choses que l'on pourrait associer aux églises modernes les dérangent beaucoup. Les églises sont là uniquement pour prier, rencontrer Jésus et Marie. Les âmes disent qu'elles ne veulent pas y voir de l'équipement compliqué, des moquettes moelleuses, ni rien qui les rende aussi confortables que des salons luxueux. Les églises sont là pour que vous puissiez y être seuls avec Jésus. Les décorations qui n'ont d'autre but que de décorer doivent être enlevées, car elles distraient. Et les âmes ont mentionné qu'une grande partie de ce prétendu art moderne les horrifie. Il est souvent horriblement laid, pour ne pas dire historiquement incorrect. Et Marie devrait toujours y occuper une place éminente. Les prêtres devraient aussi recommencer à utiliser la chair. C'était encore une ruse de Satan que de faire descendre les prêtres au niveau des paroissiens. Ils obtiendraient beaucoup plus de respect du haut de la chair. Aucune activité sociale ne devrait être organisée dans les églises, mais uniquement des cérémonies religieuses. Faites également revenir les saints, au moins Joseph, Saint-Michel Archange, et le saint qui a donné son nom à l'église. J'ai déjà parlé de la table de communion. Toutes ces choses qui ont disparu et tous les conforts qui ont été ajoutés au cours des dernières décennies nous séparent de Jésus, et cela réjouit beaucoup Satan. Je sais qu'on sert parfois du café, que des gens amènent des animaux domestiques et que des écrans de télévision ont été installés dans des églises. J'ai vu des églises sans bénitier à l'entrée et sans agenouilloir. Rien de tout cela n'est bon, et rien ne répond aux souhaits de Jésus. Alors on peut dire qu'elle n'aime tout simplement pas les églises modernes, non? J'ai vu des églises modernes où tout était très bien. Il y en a une par exemple à Lyons, au Tyrol, qui est très moderne mais également très édifiante et bien faite. Y a-t-il des cérémonies religieuses que les églises modernes auraient pu oublier? Les âmes regrettent les processions, ces petits pèlerinages, en l'honneur de Notre-Dame ou en l'honneur des saints qui faisaient autrefois partie intégrante de notre vie spirituelle. Nous organisons bien des parades pour les équipes sportives et les politiciens. Pourquoi est-ce qu'on n'organise plus de processions pour Jésus ou sa mère et leurs saints? Ce sont les choses de cette nature qui amènent Jésus et ses saints dans le monde, comme il faudrait que ce soit, et non l'inverse, en faisant entrer le monde dans les maisons de Jésus, comme cela se passe actuellement. Et dans bien des parties du monde, les prêtres ne vont plus bénir les maisons au moins une par année. Cela aussi affaiblit la foi, l'amour et le respect qui doivent demeurer intacts entre les prêtres et les laïcs. Cela permet aussi à Satan et à ses démons de pénétrer beaucoup plus facilement dans les maisons. La perte de ces saintes cérémonies fait le bonheur de Satan. La dévotion des premiers samedis du mois a aussi été oubliée dans bien des régions du monde, cela aussi il faudrait le ramener. C'est précisément pour les choses de cette nature que les prêtres nous ont été donnés, nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous pour les rappeler à leurs responsabilités. Pouvez-vous me dire comment on célèbre la messe dans votre propre église de Sonntag, et si les âmes sont satisfaites de la façon dont les choses se passent ici? Elles sont satisfaites de la façon dont nous avons conservé les choses. La table de communion n'a jamais été enlevée et on distribue la sainte communion uniquement sur la langue. Il n'y a jamais de femmes autour de l'autel et cela même pour les lectures, et les servants de messe sont uniquement des garçons. Jésus dans le tabernacle est au centre et des tableaux et des statues de Notre-Dame et de quelques saints sont disposés bien en vue. Il y a confession chaque semaine et les paroissiens y vont régulièrement. Ils assistent aussi régulièrement à l'adoration du Saint-Sacrement et à la récitation du rosaire. Tous nos enfants sont en avant durant toute la messe et je les y garde jusqu'à ce que les adultes soient sortis de l'église. C'est la seule façon de maintenir l'ordre et le silence, et d'empêcher qu'ils ne courent partout en se faufilant entre les jambes des adultes.